je t'écris. Toutes les nuits, je refais une impossible vie. De cet endroit d'où je t'envie, quatre murs encerclent ma vie. Cochaine dans ce lit. Mais si tu passes à Cadillac entre dire bonjour. sais que tout finira ici. De cet endroit d'où je m'enfuis, la fumée de ma cigarette heurte ses murs où tout s'arrête. Sortir enfin un jour que quelques